Chapitre 14. Paul poursuivit. Vous avez vu que Berwick enlevait sa femme de la rue d'Anjou et la faisait disparaître, au moment où il se préparait à m'offrir un remboursement dérisoire. Le but évident qu'il s'était proposé était de la mettre dans l'impossibilité de communiquer et de s'entendre avec moi. Mais quelle que fût la sévérité de la surveillance dont l'or était l'objet, et la défense de la laisser sortir du château, lui absent, Madame Berwick me fit passer un billet, par un moyen que ses argus n'avaient pas prévu. Ce fut la proximité de la route et du parc qui le lui fournit. Un facteur rural suivait le bord du saut de loup, et quelques mots tracés au crayon et enfermés dans une enveloppe affranchie à mon adresse furent jetés à cet homme de la même façon que ceux par lesquels elle devait plus tard correspondre avec moi. Par là j'appris le lieu de la séquestration et son objet. Cette séquestration avait quelque chose de sinistre. Elle ne pouvait durer que si Berwick nourrissait quelque sombre dessein. Je pris immédiatement la résolution de me rapprocher de l'or. J'avais été malade. J'étais à peine remis. La comtesse trouva très naturel que Billardel, prévenu par moi, me recommanda un séjour à la campagne, et cela le plus tôt possible. Aussi vis-je Blanche très empressée à favoriser ce changement d'air. Je me chargeais de découvrir, à proximité de Paris, une habitation proportionnée à nos moyens actuels. Et je partis pour Clamart. J'y arrêtai dans la journée même le petit nid que Blanche et moi y habitons, et j'étudiai sans bruit les abords de la prison où l'or languissait, avec ses propres domestiques pour geôlier. Ne pouvant me présenter chez elle, ni avoir l'air de la connaître, je dus faire un siège en règle avant de parvenir à l'apercevoir. La seule promenade qui lui fut permise, celle de son propre jardin, me la montra dolente, accablée, et ne prenant plus la peine de s'habiller pour errer dans les allées de son parc. Je ne pouvais naturellement lui écrire, et elle était bien éloignée de me croire là. Enfin, un jour, nos regards se rencontrèrent d'un côté à l'autre du large fossé qui la séparait du monde, et nous pûmes reprendre la conversation. Je lui fis connaître la démarche de son mari pour me rendre une somme considérable dont il feignait de croire qu'il n'avait été délivré aucun reçu. L'or comprit tout de suite que c'était un moyen employé par Berwick de me faire avouer ma complicité dans cette affaire, mais je la rassurai en lui disant dans quels termes j'avais répondu. J'ajoutai que peu de jours après, j'avais fait savoir à Berwick le refus d'une tierce personne, auteur du versement des 300 000 francs, d'entrer en arrangement avec lui. « Vous avez bien fait, me dit l'or, car si vous aviez accepté ce que M. Berwick vous proposait, nous nous serions trouvés désarmés. Il n'aurait plus gardé aucun ménagement vis-à-vis de moi. » Ces ménagements, poursuivit Paul, ne devaient pas durer longtemps. Je ne vous raconterai pas, par le menu, mes amis, mes rendez-vous avec Madame Berwick. Par eux, je fus tenu au courant de ce qui se passait dans la place. Le banquier n'avait pas obtenu de moi l'aveu de la créance, quoique bien persuadé d'ailleurs que j'étais le créancier, mais il avait appris à compter sur moi pour secourir sa femme dans les cas extrêmes. Avait-il de nouveau besoin d'argent ? Cela est probable, d'après l'insistance nouvelle qu'il mit à connaître le nom du bailleur de fonds. Il eut la constance d'exposer alors les avantages attachés aux fameuses parts de propriété qu'il m'avait offertes. Il persuada même à sa femme qu'il y aurait profit pour elle à accepter de ces parts de propriété, en échange du reçu des 300 000 francs. Je ne fus pas peu surpris d'entendre Madame Berwick me demander si je n'avais pas eu tort de refuser. Tout compte fait, suivant elle, ce mode de remboursement pouvait mieux valoir que le néant. Je la détrompais. Quoi qu'il en soit, Berwick, furieux de trouver sa femme aussi opposée que moi à une liquidation de la dette, qui lui permettrait d'en contracter de nouvelles, eut recours au moyen des lâches. Il lui donna 8 jours pour déclarer le nom du prêteur, puisqu'il tenait à effectuer le remboursement, à défaut de quoi, dans un transport de colère, il lui signifia carrément qu'il la tuerait. Elle prit peur. Elle le savait Thomas accomplir sa menace, non avec le bruyant éclat d'un assassin vulgaire, mais avec ces précautions abominables qui, sans égarer la justice, donnent aux criminels l'espoir de l'impunité. Représentez-vous cet infortuné enfermé vis-à-vis de son bourreau, dans une habitation vaste, mais presque déserte, l'indifférence et l'éloignement de la domesticité, un vide d'un demi-kilomètre entre le château et les maisons du village, et vous comprendrez ce que j'ai éprouvé jour et nuit depuis lors. Or, j'étais avec vous. J'étais ici le surlendemain du jour où j'avais été sur le point de faire réussir l'évasion de l'or, entravé dans son accomplissement par l'apparition soudaine du valet qui garde à vue Madame Berwick. J'étais, dis-je, avec vous quand un journal tombant ici le soir au milieu de notre causerie, me révéla le subterfuge infâme auquel Berwick avait recours pour forcer mon incognito. Il me prenait à partie, dans un de ces échos à initiales transparentes dont j'étais obligé de reconnaître l'inspirateur. Quoi qu'il puisse paraître invraisemblable, qu'un mari mette en jeu l'honneur de sa propre femme. Voici au surplus l'article en question. Il n'est bruit en ce moment dans les salons de la haute société parisienne que d'une aventure dont Madame B., la femme d'un banquier bien connu, aurait été l'héroïne. Monsieur de B., dont la récente et subite retraite dans un quartier excentrique a donné lieu, depuis quelque temps, à des suppositions plus ou moins fondées, poursuivait, paraît-il, Madame B. de ses assiduités. De son côté, Madame B. n'était pas insensible, malgré la différence d'âge. Monsieur de B., du reste, ancien militaire, a encore fort belle prestance, malgré ses 50 ans. Toujours est-il que Monsieur B., ayant emmené sa femme dans sa propriété de C., Monsieur de B. l'ait poursuivi, et avant-hier soir, à la nuit tombante, il tenait d'opérer de concert avec elle l'enlèvement de la jeune femme. Ici commence le côté comique de l'histoire. Un chien dénonça par ses aboiements la présence d'un inconnu à un valet qui se promenait au fond du parc, et celui-ci arriva au saut de loup qu'il s'agissait de franchir, juste au moment où la dame allait se laisser choir au bras de son ravisseur. Aussitôt alerte, tumulte, scandale, fuite de l'amant et arrivée du mari, qui trouve sa femme en toilette de voyage et prête à lever le pied. On rapporte que M. de B., qui est marié, avait déjà opéré le sauvetage d'un sac de nuit qui contenait des objets indispensables. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de l'aventure et leur dirons si M. de B. est venu réclamer une récompense en rapportant au château le sac de nuit en question. « Que dis-tu de cela, Adrien ?» fit Mérand en passant à M. de Vermont le journal qu'il venait de lire. « J'ai vu ailleurs de semblables ordures, » répartit le sceptique. « Dans certains pays d'Amérique, cela se fait couramment, et avec non moins d'effronterie. » « Cela ne se pratique pas encore avec impunité en France, » répartit Paul avec emportement. « Et malheur à l'auteur, quel qu'il soit, de cette infamie. » L'ayant lu, vous vous en souvenez, je levai brusquement la séance et je repartis pour la campagne. Mérand, en sa qualité de général, se montrait d'autant plus froid que les situations étaient plus graves. « Il y a ici quelqu'un en mauvaise passe, » dit-il, « mais qui ?» La réputation de Madame Berwick, dont on mettra le nom sur l'initiale incriminée, Berwick, qui évidemment ne se bat pas. Le journaliste, il se retranchera derrière Berwick. Il excipera, comme on dit, de sa bonne foi, et si Paul pourfend le journaliste, le banquier reste debout. Une provocation, dit Adrien, n'atteint donc pas le coupable. Elle met Madame Berwick en cause, et elle n'expose que Paul. Il doit être pourtant possible de forcer Berwick à se battre, et je l'y forcerai, dussé-je le souffleter publiquement et périodiquement. Tu iras en correctionnel pour voie de fait, lui dit Vermont. Et devant les tribunaux, le nom de ta pauvre Dulcinée sera livré en pâture au Quolibet. Est-ce là ton but ? Non, évidemment. Le général était pensif. Il y a, dit-il, une chose que je n'aperçois pas. Quel intérêt Berwick a-t-il à diffamer sa femme, dans une feuille publique, et à provoquer de la part de l'homme qui s'intéresse à elle des représailles inévitables ? Affaire de chantage, riposta M. de Vermont. Avec le tendre intérêt que notre ami porte à sa fille, il paiera. Pour faire taire, comme il a payé déjà, pour sauver Madame Berwick d'un ignoble guet-apens. « On n'a pas tous les jours 300 000 francs sous la main, » ajouta M. de Breuilly, avec une ironique tristesse. « En attendant, messieurs, » continua-t-il avec emportement, « les fêtes se réduisent à ceci. L'or est aux mains d'un assassin, d'un empoisonneur. Et l'or est ma fille. Elle n'a de protecteur que moi. Je tuerai le gorille, je tuerai Berwick. » Parlons seulement des voies, moyens et armes. Vous serez naturellement mes témoins, et je suis l'offensé. Dieu sait, dit le général, si je respecte tes sentiments, ton anxiété, ta colère. Mais voilà de ces extrémités auxquelles l'amour nous porte, et que pour ma part j'avoue n'avoir jamais connues. Et encore s'il s'agissait de Charlotte elle-même, qui n'est plus, mais c'est de sa fille qu'il s'agit, et sa fille ne porte pas ton nom. C'est pourtant le seul enfant qui me reste, répartit le comte avec un sanglot dans la gorge. Tu n'as pas, comme moi, Gustave, perdu les deux autres. J'aimerais mieux pour toi, répliqua Mérand, que tu n'eusses jamais rencontré ni adopté cet enfant-là. Mais revenons à notre sujet. Il y a devant nous, comme tu le dis, un gorille qui torture une femme qui est ta fille. Il faut tuer le gorille pour la sauver. Eh bien, nous allons au journal. Nous demandons à parler à l'auteur de l'écho. On nous le nomme, ou, par un scrupule que je conçois, le directeur du journal accepte la responsabilité de l'article. Nous l'examinons avec lui, il appert de là que le racontard est venu du dehors, et nous sommons le directeur d'en dénoncer l'auteur ou de se placer en face de toi. À compter de ce moment, nous avons livré deux noms que nous aurions tenus à terre. Mais de quel droit irions-nous demander raison à Berwick, qui n'est pas moins outragé que vous deux? Il dira ne rien savoir. Berwick sait tout, allez, dit monsieur de Broglie. Lui seul a pu trahir ce que lui seul sait. Le soufflet que je lui réserve n'aura pas besoin de commentaire. Mais alors, dit Adrien, de par ce soufflet, il devient l'offensé. Et que m'importe, pourvu qu'il meure de ma main? Épée, sabre de cavalerie, pistolet, carabine, tout ce qu'il voudra, tout m'est égal. Et si l'on veut successivement avec toutes ses armes, car c'est d'un duel à mort qu'il s'agit. Les Américains, dit Adrien, ont une manière de trancher la difficulté. Ils partent chacun avec une carabine chargée, de deux points opposés, d'une forêt, et ils vont devant eux jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Le premier qui aperçoit l'autre lui envoie une balle dans la tête, et tout est dit. Cela, objecta le général, dans nos idées françaises, ressemblerait fort à un assassinat, vu l'absence de témoins. Un braconnier à l'affût tirant sur un garde ne procède pas autrement. Soyons sérieux, reprit Paul. Le duel sera tout ce que vous voudrez, français, américain ou allemand, pourvu qu'il ait lieu. Dictez-en les conditions, je m'y range par avance. Mérand, voyant à quel paroxysme de fureur Paul était graduellement arrivé, lui dit alors avec la douceur et la fermeté d'un homme à qui son grade assure partout la préséance. « Veux-tu t'écarter un moment pour laisser à Adrien et à moi la possibilité d'échanger quelques mots à ce sujet ?»« De grand cœur, répondit M. de Broglie, je vais passer un moment dans la salle de billard et attendre vos conclusions. » À ces mots, il sortit, et l'on entendit rouler furieusement les billes sur le tapis vert. Paul dit Adrien au général, on se croit déjà en face de l'ennemi. Mérand secoua la tête, et les deux hommes se parlèrent quelque temps à voix basse. Tout à coup, le général ouvrit la porte de la salle de billard, et suivi de M. de Vermont, il dit à M. de Broglie, « Paul, tu nous as pris pour arbitre, tu as accepté notre décision par avance. Eh bien, ce duel est tout bonnement impossible, il n'aura pas lieu. » Le comte parut d'abord atterré, puis il dit, « Impossible n'est pas français, il s'agit d'un père qui veut venger et sauver sa fille. » « Eh bien, répliqua le général, c'est sur elle et sur toi que tu déchargerais ton arme, tu n'atteindrais pas Berwick. » « Si tu frappes Berwick au visage, ajouta M. de Vermont, tu produis inévitablement un scandale, car bâti comme il est au lieu de riposter, il ira se plaindre, et alors c'est Mme Berwick qui aura reçu le soufflet. » Par respect pour l'amitié, Paul baissa la tête, mais il ne sortit plus de sa bouche un mot qui pût faire repenser à ses deux amis qu'il avait ratifié leur sentence. À la suite de cette conversation, le comte retourna à Clamart. Mais dès que Madame de Broglie se fut endormie et qu'Annette se fut retirée dans sa chambre, il sortit armé pour aller rôder le reste de la nuit autour du château. « À tout événement, pensa-t-il, je serai là. »